Donc j'avais dit tout à l'heure que ceux qui avaient des questions à poser par rapport aux derniers intervenants ce matin, on va le faire maintenant. On va commencer par Heidi qui doit partir très vite dans son avion. Donc voilà, si vous avez des questions à poser à Heidi, c'est le moment. Après, on va passer à Jean-Pierre et on passera la parole. C'est de cet après-midi. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut pas vous poser des questions. Au développement économique, que une transformation de paradigme, mais je ne suis pas sûr que ça vous plaît. Par contre, c'est peut-être dans des disciplines comme les nôtres, l'art plastique en particulier, que le champ est quand même plus large et où il a le plus de possibilités. Parce que je ne suis pas certain qu'un colloque transversal comme celui qu'on a vécu ces trois derniers jours puisse facilement le trouver à partir d'autres champs disciplinaires. Il y a un autre problème, c'est que l'université ici, ou l'institution ici, c'est favorisé pour faire la vie. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que tous les projets transversaux qui sont proposés aux ANN ne sont pas publiés à ce qu'ils sont transversaux. Le grid académique bloque en fait cette aspect. Et Edgar Morin, qui prête la complexité, la transversalité, etc., il est désespéré. Même en Amérique latine, il n'y arrive plus. Il y a peut-être à ça, comme les financements sont par rappel à projet, sur une donnée extrêmement restreinte, le transdisciplinaire, il est de surface, complètement superficiel, il n'y a pas, ils n'ont pas construit le vrai transdisciplinaire, il y a construit quand même l'énergie d'un quelque chose de supérieur à ce que fait chacun dans la discipline. Ça ne sort pas, on n'a pas le temps de l'eau. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Pierre Bouletta par rapport à son intervention ce matin? On a tout compris là aussi. J'ai juste une question par rapport au construction que vous avez présenté. Le cours de Mobus. Est-ce qu'il aurait été possible de faire sans numérique? Disons que le numérique facilite énormément les choses, hein, monsieur. Ça permet évidemment. Pour aussi la forme d'étudier et aux ingénieurs de calculer. Pour les calculs, au niveau d'imagination de la forme, ça aurait pu. Là, les architectes, ce qui est que je vais maîtriser la forme, je vais représenter que ce soit bien ça. Oui, c'est bon, je crois que ça resterait quand même. D'autres questions? C'est normal, c'est 20 minutes de mémoire. Et il n'y a personne à se faire dans le cadre. Enfin, je ne vais pas trop demander quand même, parce que c'est plus long. Je vous fais un signe à... Voilà. Donc, on va faire Abida, qui est doctorante en esthétique visuelle, c'est ça ? Voilà, Christina a théorisé le design. Et interviendra ensuite Denis Chef, qui est doctorant en art plastique. Et qui enseigne dans le cadre de la création numérique. Et de la licence. Donc je pense qu'on a fait à peu près tout. Bref, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Xavier et Carole pour mon prénom. Alors moi, ce que je vais vous présenter fait partie. De mes travaux de recherche en tant que doctorante. C'est une recherche que j'inscris donc dans le champ du design, globalement et plus spécifiquement dans le champ de sa théorie et de son histoire. Et donc c'est depuis ça que je vais parler de la Gestalt théorie. Pourquoi je le précise? Parce que je ne suis pas du tout une spécialiste. C'est-à-dire que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas une gestaltiste. Je pense que c'est important préciser, c'est-à-dire je me base pour ce que je vais dire sur une étude que je vais vous présenter. Donc je vais essayer d'articuler mon intervention autour de trois moments pour essayer un peu de répondre aussi et de m'intégrer dans le champ plus global du colloque. à savoir émotion, cognition et création artistique. Donc ces trois moments-là sont pour moi des points problématiques que je pense donc vont m'aider à précipiter, c'est-à-dire à aller au fond de ma pensée de la manière. Donc le premier concerne spécifiquement la gestalt théorie et plus précisément la notion de forme qui s'y déploie. Là-dessus, je me réfère essentiellement au livre historique de Paul Guillaume, La psychologie de la forme, un livre qui a été édité dans les années 30, 37 précisément. Le second point tend à situer ou à identifier quelques lieux propres à l'art où cette théorie a pu a pu à travers quelques idées pratiques de l'art, par exemple, où cette théorie-là a trouvé place au lieu de s'exprimer. Et là-dessus, il s'agira du Bauhaus, et donc plus précisément de l'atelier de théâtre du Bauhaus. Le troisième point sera celui qui enfin parlera de l'émotion, à la fois dans le processus de formation de l'œuvre d'art que dans l'expérience de sa réception, ou, pour parler en langage un peu gestaltiste, dans l'expérience immédiate de sa perception. Sur cette question, je reviendrai plus facilement plus tard. Donc, en m'inscrivant un peu dans ce colloque, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi je parlerais de gestalt théorie dans un colloque sur les sciences cognitives, la création artistique, et je suis tombée dans mes lectures sur une définition qui situait historiquement la gestalt théorie. Et c'est cette citation-là, c'est par cette citation-là que je commence mon intervention. Je vous la lis. Donc, les premières théories cognitivistes en psychologie sont issues d'un petit groupe de chercheurs allemands du début du siècle, 1912 plus précisément, Wertheimer, Koller, Kafka. Donc au départ, ces chercheurs ne s'intéressent guère à l'apprentissage en lui-même. Leur intérêt est centré sur l'étude de la perception en liaison avec les mécanismes de la mémoire et de la solution de problèmes. Dans leur perspective, l'apprentissage n'est qu'un phénomène secondaire expliquant comment on peut réutiliser aujourd'hui une expérience perceptive passée. Mis au contact de la psychologie américaine où le behaviorisme est à ce moment en pleine croissance, ils ont été amenés à développer une théorie de l'apprentissage plus circonstanciée. Donc, je ne vais pas commenter tout de suite le rapport entre perception et connaissance, j'y reviendrai dans un second temps. Je voudrais tout de même, pour l'histoire, je voudrais préciser que cette définition est formulée dans l'angle d'une étude sur le comportementalisme, duquel la gestalt théorie a tout de même été critique, ne serait-ce qu'au début de son élaboration. Et donc, pour compléter un peu ces définitions, et en m'appuyant sur la lecture de la psychologie de la forme, de Paul Guillaume, historiquement, la gestalt théorie a été d'abord une nouvelle ou une autre définition ou approche de la psychologie, révoquant la théorie behavioriste américaine, là où est réduite à la méthode quantitative son approche ou son idée des vues psychologiques. C'est en adoptant le mécanisme d'isomorphisme comme principe méthodique d'observation et d'analyse psychologique, selon le mot de Goethe, ce qui est au-dedans est aussi au-dehors. C'est une phrase qui est très importante pour expliquer un peu comment c'est construite cette théorie-là. Donc ce qui est au-dedans est aussi au-dehors, c'est le principe d'isomorphisme, que la gestalt théorie trouve une légitimité scientifique à cette discipline en cours d'institution, c'est-à-dire la psychologie. Ça, c'était un réel souci pour les gestaltistes. Pour que la psychologie soit reconnue comme science objective, il lui fallait se détourner de la philosophie, pas entièrement, mais en tout cas, regarder davantage vers les sciences, vers la physiologie, et puis surtout la physique, étant alors la science par excellence. Euh, des expériences en laboratoire, actuelles et immédiates, notamment des expériences de Kohler avec des chimpanzés, Wertheimer aussi, et par extrapolation interprétative de certains mécanismes neurophysiques, les gestaltistes ont esquissé un fonctionnement descriptif de la faculté humaine de perception et à partir de là, un modèle qualitatif du fonctionnement psychique. Voilà, donc je ici s'arrête ma définition. Et là, je vais essayer, à partir de ça, de résumer en quelque sorte ce qu'était le mot forme, pour la notion de forme, qui donc m'intéresse davantage, qui s'est déployée à travers cette théorie-là. Donc, comme la mélodie, bon, cette figure elle arrive un peu tôt, hein, j'aurais dû cliquer dans deux minutes. Donc, comme la mélodie, la figure est un cas de forme, parce qu'elle est constituée de parties organisées, explique Poilier. Le vocabulaire gestaltiste préfère au mot élément celui de partie, s'écartant ainsi de la doctrine élémentaliste. Chaque partie est singulière ou identifiée, c'est-à-dire que chaque partie participant à la structure de la forme garde dans ce tout son identité ou son individualité, c'est-à-dire sa singularité. Guillaume souligne bien qu'il conviendrait davantage de traduire gestalt par structure ou organisation que par le mot forme. Et je me permets d'ajouter, d'autant plus que le mot forme existe dans la langue allemande. Un tout est autre chose qu'une simple somme d'éléments préalables. Voilà à la fois l'hypothèse et la définition de laquelle parle et à laquelle aboutit la gestalt théorique. Ce dont il s'agit effectivement, c'est davantage d'une idée du tout que de la forme à proprement parler. Donc, je fais défiler ici quelques figures historiques, hein, par ailleurs, qui peuvent un peu illustrer les principes de la Gestalt. J'ai aussi inséré des lentilles. Donc, les faits d'appartenance locale, les points blancs sont disposés en deux séries de lignes droites perpendiculaires. Leur appartenance au cercle noir dans lesquels ils occupent une position excentrique empêche de percevoir leur disposition rectiligne. Ensuite, dans la Gestalt théorie, il y a une pensée très élaborée du rapport entre la figure et le fond. C'est-à-dire, par exemple, sur ces schémas-là, en fonction de où est-ce qu'on pose le regard, ou où est-ce qu'on concentre notre regard, on peut voir des carrés blancs, par exemple, sur des bandes noires. Ou voir des bandes comme des volumes en perspective. Merci. en perspective, pareil pour le schéma du cube. Ce que servent à montrer ces figures comme ça, c'est que c'est de pointer. Le fait que la perception, ça tient à une question d'attention, c'est-à-dire où est-ce qu'on concentre le regard, et puis le fait qu'à un moment, il y a une figure qui est identifiée, c'est-à-dire on reconnaît qu'il y a un cube, la reconnaissance de cet objet-là, du coup, permet d'orienter le regard vers sa reconnaissance. On nous dit qu'il y a un cube, alors on cherche un cube et on le trouve. Alors que peut-être, en ayant juste l'image face à soi, on ne voit pas tout de suite. Donc, c'est d'autres figures de Joseph Albers, qui était notamment un enseignant du Bauhaus, et dans le travail en tant que peintre, dessinateur abstrait, a beaucoup porté sur ces questions-là de perception. De simplification de la forme d'aller vraiment dans dans quelque chose de très élémentaire dans le travail graphique. Maintenant, je voudrais vous proposer de pardon, j'ai un petit... Donc maintenant, je voudrais passer à mon deuxième point, qui est donc qui porte davantage sur la question de la perception, que j'ai titré Gestalt théorique d'une idée de la forme ou de la perception comme condition cognitive. Et donc, c'est dans le passage de la perception ou d'une perception à celui d'a-perception que se manifeste le phénomène de l'intelligence. C'est-à-dire que la perception, l'a-perception, est la manifestation d'un changement de statut où la chose perçue passe dans le domaine de l'intellect ou dans le champ du raisonnement. Devient ainsi objet connu ou objet de connaissance. La condition d'un tel passage est la conscience première que la chose perçue primitivement est maintenant consciemment perçue. Toute chose a perçu a d'abord été perçue en tant que forme, puisque seules des formes sont ou seraient perceptibles. Ceci étant mon hypothèse à partir de mon étude de la Gestalt théorie. C'est-à-dire, si j'essaie d'expliciter un peu, seules des formes sont ou seraient perceptibles, c'est-à-dire seule une organisation de parties, pour faire un écho à la première définition que j'ai donnée en commençant, un ensemble de parties organisées, de telle sorte que ça constitue une forme, est perceptible. Si tel est le cas, pourrait-on envisager ou penser l'expérience perceptive, c'est-à-dire une situation initialement méconnue où la première source de découverte ou d'appréhension est notre faculté de perception, qui n'est donc pas ou qui ne peut plus être exclusivement attaché aux seules sensations, ceci étant une position au principe même de la théorie de la Gestalt, pourrait-on donc envisager l'expérience perceptive comme étant à l'origine d'un processus de connaissance, comme une source de cognition? Et si seules des formes sont perceptibles, peut-on envisager la forme ou une forme telle que l'entend ce théorique comme source de cognition? Mettons que oui, certainement. Je réponds en fait à ça. Oui, ça peut être une source de cognition. Donc, je voudrais maintenant faire un petit saut dans le temps, un gros saut dans le temps, et aller voir dans l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot comment est défini le mot perception. Voilà ce qu'énoncent déjà les quelques premières lignes de l'article perception. La perception ou l'impression occasionnée dans l'âme par l'action des sens est la première opération de l'entendement. L'idée en est telle qu'on ne peut l'acquérir par aucun discours. La seule réflexion sur ce que nous éprouvons quand nous sommes affectés de quelques sensations peut la fournir. Les objets agiraient inutilement sur les sens et l'âme n'en prendrait jamais connaissance si elle n'en avait pas la perception. Ainsi, le premier et le moindre degré de connaissance, c'est d'apercevoir. Et quelques lignes plus loin, que quelqu'un soit dans un spectacle où une multitude d'objets paraissent se disputer ses regards, son âme sera assaillie de quantités de perceptions dont il est question qu'elle prend connaissance. Mais peu à peu, quelques-unes lui plairont et l'intéresseront davantage. Il s'y livrera donc plus volontiers. Dès là, il commencera à être moins affecté par les autres. La conscience en diminuera même insensiblement, jusqu'au point que, quand il reviendra à lui, il ne se souviendra pas d'en avoir pris connaissance. Quoi qu'il en soit, cette opération par laquelle notre conscience par rapport à certaines perceptions augmente si vivement, qu'elles paraissent les seules dont nous ayons pris connaissance, je l'appelle attention. Ainsi, être attentif à une chose, c'est avoir plus conscience des perceptions qu'elle fait naître que de celles que d'autres produisent en agissant quand même sur nos sens. Et l'attention a été d'autant plus grande qu'on se souvient moins de ces dernières. Fin de la citation. Ce qui est fort saisissant pour moi dans ces définitions, c'est l'enchaînement méthodique et infaillible que décrit Diderot du mécanisme de la perception. À travers son exemple, c'est-à-dire un spectacle, c'est-à-dire dans sa définition une multitude d'objets se présentant à notre regard, il arrive que le spectateur soit saisi, c'est pas son mot mais c'est une proposition, qui pourrait décrire une expérience esthétique, donc le spectateur soit saisi par un objet en particulier parce qu'il lui plaît plus que d'autres. C'est alors que son attention, c'est-à-dire sa plus forte conscience des perceptions que l'objet pénètre en lui, s'en trouve augmentée. Et c'est là, c'est de cet objet-là que le spectateur aura mémoire, et c'est ce seul objet qui a augmenté son attention qui sera donc pour lui source de connaissance. Je m'appuie sur cette citation de l'encyclopédie que j'ai essayé un petit peu de commenter en soulignant les termes qui m'y intéressent le plus haut, c'est-à-dire être saisi par un objet, et notamment dans l'exemple d'un spectacle de théâtre, notamment, et sur la question de l'agrément, c'est-à-dire l'objet qui me saisit davantage, c'est celui qui plaît au spectateur. Donc la mise en relation aussi de ce mécanisme de l'agrément, de ce qui est agréable, ce qui me plaît, qui fait que du coup, mon attention est plus portée à cet objet-là qu'à un autre, et c'est à partir de l'observation ou de ma perception de cet objet-là que j'en apprendrai quelque chose, que j'en prendrai connaissance. Donc je m'appuie sur cette citation pour passer à mon troisième point, c'est-à-dire de l'art comme milieu perceptif occasionnant une expérience de saisie productrice de connaissances ou d'un autre régime singulier de connaissances. Donc, c'est là que je vais faire un petit détour par le Bauhaus. Alors, que vient faire le Bauhaus dans cette affaire? En 1919, à Weimar, Walter Gropius publie le Manifeste du Bauhaus, où il annonce son programme. Il apparaît à deux reprises le mot Gestalt, dans le premier paragraphe du Manifeste, Weltliche Gestalt, qu'on pourrait traduire par figure multipartite, et à la fin du texte. Dans ce manifeste, Gropius appelle à l'union entre artiste et artisan en vue de la construction de l'œuvre d'art totale qu'il voyait pouvoir se réaliser dans l'architecture, qui alors était la seule qui pouvait réunir tous les arts et tous les métiers de l'art. Dans cet appel, l'axe central, l'idée force, est celle de ce tout qui serait conséquence d'une union. On pourrait se demander quel lien entre cette notion psychologique et les intentions ou les prétentions d'une école d'art. Une première réponse serait de préciser que dans l'entre-deux-guerres, la vision holistique de la Gestalt théorie, renvoyant aux notions de synthèse et de totalité, devenait une sorte de mot d'ordre idéologique qui traversait les différentes disciplines et représentait, si je peux me permettre cette expression avec toutes les réserves que j'y mets, l'esprit allemand de l'époque. Sortie de guerre et face à la crise économique que vivait l'Allemagne, le programme du Bauhaus, initialement tourné vers l'architecture, vers la construction en tant qu'acte unifiant et unificateur de tous les autres arts, se trouvait empêché. Aucune construction architecturale n'étant possible dans un pareil contexte, Gropius ouvre l'atelier de théâtre en 1921 à Weimar, sous la direction de Schreyer et à sa suite Schlemmer dès 1923. Le théâtre étant alors l'art qui portait en lui la promesse d'unification de tous les autres arts. L'atelier de théâtre était celui où pouvait enfin se réaliser l'œuvre d'art total ou l'œuvre d'un art total. Toute l'œuvre de Schlemmer était dans une tentative de dépassement des dualités entre l'organique et le géométrique, l'inconscient et le rationnel, la forme et l'idée. Donc, pour la distinction, la différence entre Schreyer et Schlemmer, donc quand pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le Bauhaus, en fait, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, le Bauhaus, c'est une école d'art qui est née suite à la fusion de l'école des arts et métiers et de l'école des beaux-arts à Weimar, sous la République de Weimar, en 1919. Et donc Gropius, donc c'était un produit d'une proposition de Gropius qui était enseignant à l'école des arts et métiers, Gropius qui est aussi par ailleurs un architecte, un très grand architecte du début du XXe siècle. Et donc c'est une école qui fusionnait ces deux ces deux institutions, et qui était donc porté par cette idée-là d'union des arts dits majeurs, enfin les beaux-arts, et l'artisanat, c'est-à-dire les métiers de l'art. Et donc, au début, donc cet atelier de théâtre qui l'ouvre en 21 avec Schreyer, il était dans une approche très introspective et très spirituelle du théâtre. Il faisait beaucoup travailler, par exemple, ses étudiants sur des mécanismes de transe par la répétition de sons internes, et que c'est à partir de ce travail-là que le corps se mettait en mouvement, donc le corps du comédien se mettait en mouvement et rentrait dans une sorte de transe, et c'est à partir de ça, de ce processus-là, que naissait de l'émotion, notamment. Et, mais c'est une pratique qui n'a pas eu beaucoup sa place au Bauhaus, notamment avec la montée de l'industrie, la mécanisation, qui a fait que même l'école en elle-même se tournait davantage vers la création industrielle et donc vers une culture plus poussée de la machine, des arts mécaniques. Et c'est là où intervient Schreber, dans l'approche était beaucoup plus objective, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, pour Schreber, le danseur, l'espace, la perception de l'espace scénique ou de l'espace théâtral, elle passait par le corps du comédien, le corps du danseur, et c'est donc autour de toutes ces interrogations-là qu'il traversait, qu'il a formé avec ses étudiants donc le fameux ballet triadique de Schleiman. Ici, j'ai essayé de montrer quelques copies. Donc contrairement à Schreyer, qui était donc dans une approche très introspective où tout venait de l'intérieur du comédien, ici c'est plutôt le corps, les costumes, les mouvements, les mouvements des signes dans l'espace, etc., qui donnent au spectateur une perception de l'espace. C'est-à-dire la scénographie, elle n'existe pas en tant que telle, l'espace n'est pas forcément dessiné, mais ce qui le met en mouvement au niveau de la perception, c'est ce qui s'y dessine par le corps du spectateur, du danseur. Et qui était aussi par ailleurs le corps qui portait le costume, donc était un costume par lui-même pensé dans une spatialité. En bout de vue. Voilà. Je voulais peut-être vous montrer un petit extrait. Et qu'en elle, la forme, une forme, existe déjà. Ce n'est qu'en distinguant l'article défini la forme de l'indéfini une forme que nous arrivons à relever les singularités formelles, les potentialités formelles d'une matière. seule la matière numérique, par exemple, puisque le numérique est aussi une matière, peut produire, peut réaliser et donner à réaliser des œuvres que la peinture, la sculpture ou la photographie ne peut pas réaliser. Il y a la singularité de l'œuvre, entre autres due ou entre autres découverte, entre autres rendue possible par la nature même, par les propriétés mêmes de sa matière. C'est dans ce rapport à la matière, dans la plus ou moins ouverture de l'artiste aux ouvertures productives possibles de sa matière, que nous situons l'émotion. Pour ça, je me réfère essentiellement à la définition étymologique du mot émotion, c'est ce qu'expliquait Xavier ce matin aussi, qui décrit un déplacement d'état, une quasi-intranquillité. Qu'est-ce donc un artiste intranquille face à sa matière? Ça pose pour moi foncièrement la question de l'idée en art. Qu'est-ce qui dans l'œuvre précède, son faire ou son idée? La question se complexifie si nous prenons comme exemple le cas des arts dits numériques, et notamment d'œuvres dont la matrice productive est un programme, à proprement dit, qu'est lieu à l'émotion. Je prends le risque de répondre tout de suite que l'émotion, qu'un déplacement d'état de l'artiste, du maître d'œuvre, est dans l'accident, dans l'imprévu, dans ce qui déborde sa propre capacité de réalisation et se réalise par ailleurs dans l'imprévu de la matière. Je voudrais finir mon intervention en revenant sur cette expression que j'ai énoncée au tout début de mon intervention, à savoir une expérience immédiate de la perception. Je relève les trois mots expérience, immédiate et perception. Que serait une expérience de la perception, une expérience perceptive sans média ou sans médiation? Une expérience directe? Ou, pour parler dans des termes plus proches du champ de l'art contemporain, une expérience immersive? Cependant, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Ça ne pose pas le corps, ça ne dispose pas de la même manière. Voilà, bon, j'ai fini pour ce que j'ai prévu. je finis sur ces questions. J'aurais aimé pouvoir vous montrer des œuvres plus actuelles aussi sur l'action du numérique qui auraient comme leitmotiv aussi cette histoire de l'imprévu et de l'accident. Mais bon, merci pour la. C'est très mouvant tout ça, c'est-à-dire pas tout à fait déterminé, arrêté. il y a une connaissance de l'objet, par exemple, qu'on ne voit pas tout de suite parce qu'il est noyé, parce qu'il est brouillé en fait. Une reconnaissance, il est noyé, recouvert un peu par d'autres éléments, perturbe, mais en récoltant à travers l'œil, notamment en récoltant des éléments graphiques qui servent à son identification, on peut faire des noirs. Je pense que c'est un peu le même. Au fond, c'est un peu le même. Et je pense que c'est pour ça aussi que, par exemple, les végétalistes, qui ont pu, en observant des phénomènes comme ça aussi, pouvoir s'expliquer et expliquer les mécanismes psychiques. Se construit une vision, éventuellement de reconnaissance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un préalable un préalable physiologique avant que la connaissance puisse terminer. Et par rapport à la question du tout-permis, il y a une différence, me paraît-il, qui est totale, c'est que le champ, c'est l'être humain qui construit. L'ordinateur, à aucun moment, il a conscience de faire un champ. Non, mais c'est ce que j'ai dit là. Le programme a isolé son identité. Voilà, il en a fait l'établir. Lui, il ne sait pas que c'est un champ. C'est l'humain qui peut ajouter de la connaissance que nous avons dans le champ. Mais l'intelligence a permis d'isoler l'identité dans ce champ. Le problème, c'est que ça, c'est l'identité à part de la ce qui est bien pour lui. Très simple. Pardon. Ah, juste pas ça mais en fait, il y a le phénomène de la conscience. C'est-à-dire, c'est pas forcément reconnaître, c'est aussi avoir conscience de cette chose-là qui fait la différence aussi, je pense. Parce qu'une machine, un ordinateur, en le programmant, peut dire si peut-être autant de, par exemple, éléments sont réunis, ça s'appelle un chat, la prochaine fois que ces éléments seront réunis, il dira que c'est un chat. Il reconnaîtra. Mais par contre, ce qui manquerait, c'est la conscience de ce chat-là. Alors après, ça ouvre sur un vaste débat de ce que c'est que la conscience, tout ça. Mais c'est un peu ce que j'ai essayé en fait, de dire en parlant de la perception à perception. C'est-à-dire comment on passe de la perception pure, de la primitive, disons, à une aperception, c'est-à-dire. Enfin, c'est pas vraiment une compréhension, mais une prise de conscience de ce qu'on voit. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très très étonnant du point de vue. C'est que dans l'idéalisme platonicien, il y a les eidos. On reconnaît un chat parce que l'idée, l'essence de chat existe et qu'elle est dans notre âme. Notre âme n'est pas ici chez Platon. Je crois qu'il est plutôt en dessous, dans le cœur, je ne sais plus. En tout cas, on reconnaît les formes parce qu'elles existent en soi. Et on n'en voit que les accidents. D'ailleurs, c'est aussi Aristote, parce que là, on parle de lui. Et puis, dans la théorie de la Gestalt, c'est une grammaire physiologique, biologique de base, qui rejoint ce que tu dis par rapport au prédateur, c'est-à-dire la question de survie. Que le lapin reconnaisse la carotte ou que l'antilope reconnaisse le tigre. Et puis, en informatique, donc c'est curieux parce qu'on a un idéalisme, une biologie physiologique près du sol. Et dans le cas des librairies de formes qui utilisent l'informatique pour reconnaître des formes, pour le conduit autonome d'une voiture ou autre, bien, c'est avec quelques éléments qu'à certains moments l'ordinateur reconnaît qu'il y a un piéton qui passe, avant même que le piéton soit complètement dessiné. Donc il fait bien, quand mon téléphone corrige mes mots à tort ou à raison, il pense à un moment et souvent à tort, et c'est assez exaspérant. Quand il a 3-4 tests, il pense que j'ai voulu dire amour, alors que je voulais dire à table. Et ça fait quelquefois des messages étonnants quand ils arrivent chez le destinataire. Mais c'est comme la reconnaissance de la queue et de l'oreille de la panthère, c'est le fait qu'il y ait de terre. Alors là, on a trois approches, une idéaliste, une biologique et une numérique, qui aboutissent finalement à la même chose, qui est une fonction. Parce que aussi, quand la voiture reconnaît le chat qui traverse, c'est pas grave, c'est pas de même ici. C'est un homme qui traverse, c'est important qu'il le reconnaisse. Donc là aussi, c'est une question de sécurité. Et au fond, la sécurité, c'est très fondamental dans tous nos comportements. On peut le justifier d'une façon complètement idéaliste, d'une façon complètement biologique, ou d'une façon statistique. Parce que dans l'informatique, c'est une question statistique. C'est les répétitions de captation de formes qui font qu'à un certain moment, l'ordinateur est capable de reconnaître une forme. Et même quand on a des appareils de vision pour un aveugle de reconnaître un minimum de forme pour se diriger, c'est la même chose, c'est la même chose pour un handicap. Et là, le cerveau peut se boucler à la manière de... C'est marrant, je retombais sur les pieds du chat Schrödinger, de différentes manières, très opposées. Permettant à un vivant de reconnaître un prédateur. Ici, il y a eu une construction complète. C'est-à-dire c'est que le système, qui à partir de plusieurs milliers d'images, a réussi à isoler des traits significatifs par pure construction. Et à partir de ces traits élémentaires, par généralisation progressive, est arrivé à isoler l'entité qui était déterminée, enfin, le dénommée après, comme chat. Mais ce que je veux dire, il n'avait aucune forme préalable. Il est cette marche. C'est lui-même qui a construit même la forme et a réussi, parmi les quelques milliers d'échantillons, à définir ce qui était significatif et à construire ces différents éléments de signification jusqu'à produire des entités, des totalités. Alors, je mettrais juste un petit préfixe. Je mettrais juste une petite limite à ça, c'est qu'en fait, il y avait une entité. En fait, les images qui sont données au réseau sont toutes des images. Donc c'est l'humain qui a... Non, je précise. Alors, je parle à domaine de l'expérience. Enfin, pas l'expérience. C'était plusieurs millions d'images qui ont été traitées. Donc c'est pas des images de chat. Non, mais il y avait toutes sortes un réseau de neurones, je connais bien un réseau de neurones, en fait, c'est... On lui donne des images de chat, et là, on lui dit en sortie, c'est oui, c'est un. Et on lui donne plein d'autres images, et en sortie, on lui dit là, c'est bon, c'est zéro. Et en fait, lui, il apprend, il y a un apprentissage, et il apprend. Excusez-moi. Il y a les réseaux de neurones, effectivement, on met en entrée une forme, en sortie. On définit si la sortie est proportionnée. Entrée. Il y a les corrimons qui permettent de définir les coïncidences. Mais il ne s'agit pas de ce même type de raisonnement, de réseau de Renault, pardon. C'est des chercheurs américains, notamment le développeur de Hamilton, qui ont la précédence de modèles mathématiques, c'est-à-dire de probabilité et de statistiques, de construire des réponses par traitement statistique et probabiliste. Il n'y a aucune intervention humaine pour adapter l'entrée à cet accord. C'est le système qui, par voie probabiliste, finit par déterminer des traits significatifs. Oui, est-ce que... Enfin, non, mais on est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le système neuronal, à un moment, il fait son cluster. Par probabilité, c'est son cluster. Donc l'idée, elle est là, c'est-à-dire que ça soit un apprentissage supervisé ou non supervisé, là c'est du non supervisé, mais c'est le même principe, c'est le principe de l'autre niveau. Il a besoin, lui, de se sentir sur place. Et donc il va choisir une classe d'images qui se ressemble, et à partir du moment où il choisit une classe d'images qui se ressemble à un chat, il juge de lui-même, par des probabilités, que les deux images, elles ne font pas partie de ce supervisé. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idée à priori, mais ça nous change qu'on apprend, je pense qu'on ressent. Nous, on peut être guidé par l'environnement, par les parents, etc. C'est pas le cas, mais il y a quand même un moment où il y a une désignation de cluster qui est prise, et il y a ce qui fait partie du cluster, et ce qui ne fait pas partie du cluster, pour moi, c'est un peu comme une idée sortie à la base de la vie, c'est ça qui est impressionnant. Il y a Et la vraie question, c'est de savoir si la facture autonome va s'arrêter pour un chat, ou pas passer dessus. Là, il y a des valeurs qui interviennent. Bon, on va faire des discussions sur la déconstruction des formes. On va se faire une déconstruction des formes et des figures. Bon, dernière 20 minutes de cette intervention, je sais pas faire une question. À travers mon intervention que j'ai intitulée « Afribora, anomalie de la forme et de la figure », en réalité un sujet, enfin, c'est un partir du sujet de ma thèse, un sujet de recherche que je fais également en discours théorique, mais aussi un discours plastique. Donc à travers cette intervention, cette chose, notamment, je tâche d'interroger certains phénomènes qui émergent lors du processus de percevoir, et notamment de percevoir des formes et des figures, de notions sur lesquelles, dans un premier temps, on va voir de près, car du fait de leur complémentarité, mais aussi en même temps, par raison de leur opposition quelque part, on va s'intéresser pour définir c'est quoi une figura et c'est quoi une forma. Donc, une petite note de bataille, je parle toujours des notions latines, on va dire aussi des notions grecques qui se trouvent aux racines des concepts de forma et figura, et qui dont les concepts de a figura, qui aussi s'écrit toujours en latin et donc en italique. Donc cette première étude de l'anatomie, bien sûr l'anatomie à contre-entre dans un sens utilisé jusqu'au 19e siècle comme analyse, donc l'anatomie de forma et de figura nous permettra non seulement de cerner une définition qui nous sera utile, mais nous permettra également de définir la manière par laquelle nous allons pouvoir nous détacher de ces deux concepts. Et ce processus de détachement se nomme en réalité afigura. L'afigura désigne une condition d'être au monde, une condition de créer des mondes. Ce faisant, elle énacte une notion qui depuis au moins hier était évoquée quelques reprises par la notion d'énaction, expliquée notamment, même s'il y a des précautions comme on l'a vu, par elle. Donc la figura énacte ou émerge dans les interactions charnelles du moi et autrui, du moi et le monde. Cela dit, elle conserve le rapport que j'ai avec le monde, avec le monde que je sens et qui me fait sentir. Le terme anatomique que j'ai utilisé il y a 2 secondes n'est pas utilisé sans raison, puisque dans un troisième et dernier temps de cette intervention, on va s'intéresser à, on va tenter d'analyser ce qui arrive au corps même du récepteur, au corps sentant du récepteur. Donc avant de pouvoir saisir ce qu'est la figura, il nous semble nécessaire d'examiner d'abord les concepts de forma et de figura. Se basant sur les analyses de Derrick Auerbach notamment, mais aussi celles de Philippe Dubois de ce qu'est une figure, je constate que cette notion, malgré le fait d'être très riche en définition, donc il n'est pas étonnant que Derrick Auerbach ait consacré tout un livre, mais donc figura, une notion très riche en définition, reste très vague quelque part. À tel point que certaines de ces significations sont parfois contradictoires, voire des paradoxes construits comme une tension entre deux pôles opposés. Cela est d'autant plus problématique par la confusion ou malédiction, pour reprendre le terme d'Auerbach, qui peut être faite entre figura et forma. Lorsqu'on arrive à une équation figura égale forma. Et ce sont pourtant deux notions qui ne dessinent pas la même chose, sous le même aspect, et donc s'opposent quelque part. Et on arrive à l'équation figura n'égale pas forma. Ce Cependant, dès les premières pages consacrées à l'étymologie du concept pigora, Auerbach pointe une toute première définition du terme. Il écrit, issu de la même racine que Singer, Fugel, Victor et Effigie, pigora signifie à l'origine forme plastique. Étant plastique, donc du grec plastos, signifiant façonné, nouclé, imaginé, cela fait de figura quelque chose de malléable, donc quelque chose qui peut être modelé, et d'autre part quelque chose qui est ou peut l'être imaginé. Ce qui par conséquent lui donne un aspect dynamique et changeant, contrairement à forma qui désigne l'ensemble des traits extérieurs qui caractérisent un objet. On dirait même une réalité prédéterminée, ayant aussi un aspect figé, esthétique. Or, même si une telle opposition entre les deux termes s'impose, donc figura n'égale pas forma, figura peut parfois désigner forma, donc figura égale forma. Cela devient encore plus confondu du fait que les dictionnaires même, j'ai fait l'expérience, j'ai vérifié des dictionnaires de plusieurs siècles, les dictionnaires même indiquent chacune de ces notions comme une signification possible de l'autre. À savoir aussi que, bon, je me suis référé à des traités anatomiques du 15e, 16e, 17e siècle, où le mot figure a été utilisé à la place du terme forme. Et ce paradoxe, figura étant et en même temps n'étant pas forma, présente, me semble-t-il, le problème principal, le problème majeur du concept de figura. D'autre part, Auerbach indique qu'en grec antique, plusieurs notions renvoient au concept de forma. Ce sont morphé et dos schéma de postplasis. Toutefois, chacune d'entre elles ont un aspect différent à forma. Et cette notion la reproche quelque part de la notion de figura. Celle qui se reproche le plus à l'idée de forme dont les traits extérieurs la caractérisent, donc à l'idée qui informe la matière, sont les concepts de eidos et de morphé. En réalité, eidos renvoie à la forme en général, à la forme propre d'une chose. Par conséquent, avec morphé qui exprime l'apparence d'une forme, par exemple la forme du corps, eidos se distingue de figura en ce qui désigne le modèle ou un archétype. Ici, le modèle, donc forma comme eidos, suppose similitudo qui implique figura. Et si on accepte cela, donc l'énoncé co-sanscrit forma signifie moule et se rapporte figura tout comme la vérité d'un moule correspond au corps modelé qui en provient, aura toute sa validité. À premier abord, cela ne peut se traduire figura comme topos, ce dernier désignant l'empreinte ou la marque. Et pourtant, Auerbach indique que cette notion renvoie non pas à la figure, mais au contrario à forma. Avec cette première interprétation, nous associons quelque part le moule à forma et le corps modelé à figura. Néanmoins, Philippe Dubois propose une relecture différente à cet énoncé, faisant de figura non pas l'empreinte qui en résulte, donc le topos, le corps modelé, qui aura lui une forme, même s'il s'agit d'un simulacre d'une copie ou d'une imitation, ce qui associe davantage topos à figura que forma, mais il traduit figura comme le modèle du moule, une sorte d'interface abstraite désignant l'idée même de contact comme producteur d'un objet à partir d'une forme. C'est-à-dire figura n'est ni le moule, qui sera forma, ni le corps modelé, qui sera topos, mais le concept visuel qui incarne la forme. Ici, la figure ou plutôt l'écart qu'elle incarne, n'est que strette. La figure, c'est l'idée, enfin, c'est l'idée même, idéale, tout comme la métaphore de l'écart entre ce qui est écrit, tout poste, et ce qui est pensé, plaisiste. Donc, pour la métaphore, il s'agit aussi d'une petite référence à Gérard Chemet dans Figure 1, lorsqu'il explique que la métaphore, c'est. Enfin, une figure de style concernant la métaphore, c'est l'écart entre ce qui est écrit et ce qui a été pensé par Guitton. En revanche, dans cet ordre de pensée, si la figure c'est l'idée, alors que la forme c'est le résultat final, qu'en est-il de l'écart même entre la figure et la forme? Puisque dans ce cas, figurant est non seulement l'idée, donc idea, mais aussi schema, notion qui associe figura à l'idole. Donc idole, de latin idolon, qui provient du grec eidolon, signifiant une image conçue dans l'esprit. Il s'agit alors d'une image virtuelle, bien qu'elle puisse avoir des représentations plastiques, donc des plasmas, qui est construite quelque part culturellement. Or, cette figure, donc figura comme eidolon, n'ont d'aucune manière un aspect figé, de quoi peut-être elles ne sont pas des formes, car ce vers quoi elles renvoient, en termes de représentation, entre parenthèses virtuelles encore une fois, ne dépend que du sujet qui est en train de les figurer. Le terme figurer, à comprendre comme représenter. Autrement dit, d'une part, ce sont des figures sans figura, au sens d'une apparence extérieure, donc au sens de eidos ou morphée, et pourtant elles sont perceptibles à part d'autres sens, mais d'autre part, elles n'évoquent pas la même représentation d'un sujet à un autre. Peut-on supposer alors que l'énoncé d'une telle figure appelle lui-même un processus de construction du monde, un processus qui va relever de la plasis. Et ce processus, dépendant du couplage que le sujet qui fait figurer un monde a avec son environnement culturel, social, etc. Donc, quelque part, un écosystème, un individu, comme on l'a vu hier avec les œuvres de John McCormack, un écosystème entre un individu d'une population avec sa niche. Car la niche, elle peut être écologique, elle peut être aussi culturelle. Et donc, un processus d'inaction, quelque part. Bien sûr, cette construction nouvelle va être entendue en tant qu'une représentation. Celle-ci étant comprise dans son sens fort, comme la représentation d'un monde prédonné. Autrement dit, il s'agit ici d'une interprétation singulière que le sujet se fait vis-à-vis à son environnement. Et je reprends une phrase de Madame Hoffman d'un ouvrage Inaction de Warren et Attention dans ce colloque. Par transcendance, l'homme donne du sens au monde et l'interprète tel qu'il le vit. Mais dès lors, cela ne supposerait-il pas que ce monde prédonné n'est en effet pas prédéterminé du fait qu'il est constamment représenté, donc plasiste, c'est-à-dire qu'il est constamment émetté en autant de figures que de sujets qu'il les imagine. Cela nous poserait également à considérer que lors de cette représentation du monde, ou même cette création originale et singulière du monde, la forme varie, tandis que le contenu reste constant. Ici, il s'agit des propos de Nelson Goodman dans « Manière de faire des mondes ». Or, cet énoncé de Goodman me paraît quelque peu erroné. Et je m'en permets alors, suivant l'analyse que je viens d'évoquer, à le paraphraser en disant que c'est la figure morphée qui varie, tandis que le contenu, donc l'eidos, reste constant. Pour approfondir cette idée, nous allons ajouter également le constat phénoménologique de Maurice Merleau-Ponty qu'en observant un objet, sa grandeur et sa forme, donc sa morphée, ne sont que l'accident, pour reprendre le terme utilisé par l'auteur, de nos relations avec cet objet. Il me semble alors, par conséquent, qu'une forme, ou bien sa figure, est en constante transformation, donc transformation c'est transforma, voire une métamorphose, donc métamorphée, étymologiquement, dans la relation entre la forme et le sujet qui la perçoit. Et lors de cette transformation et métamorphose, on peut voir apparaître des anomalies. Bien sûr qu'ici, les anomalies, je les comprends tel qu'il, enfin, le concept d'anomalie, je le comprends tel qu'il est présenté par Camille Fallen dans un ouvrage intitulé L'anomalie créatrice, à savoir qu'il ne faut pas prendre le terme comme synonyme d'anormal. Une faute d'appréhension du terme, c'est un ancré dans la langage courant. En revanche, le terme anomalie ne vient ni du grec nomos, ni de la langue norma, mais du grec omalos. Cela dit, l'anormal n'est ni l'opposition d'une règle, d'une loi ou d'un modèle, donc norma ou nomos, mais bien un omalos. Omalos désigne en grec ce qui est égal et semblable. En cela, l'anomalos signifie qu'il n'offre pas une surface égale, pareille, régulière ou uniforme, ou encore qu'il ne participe pas d'un état d'union ou de concorde. D'un autre côté, Georges Canguilhem, philosophe des sciences, Georges Canguilhem souligne que, bien que sa définition conserve davantage les sciences anatomiques, donc il dit être anormal, c'est s'éloigner par son organisation de la grande majorité des êtres auxquels on va être comparé. Des êtres donc des, moi je traduirais même, je disais des formes, des formes auxquelles on va être comparé. Relevant alors d'une discordance, l'anomalie apparaît, comme nous l'avons constaté, lors d'un processus de transformation ou de métamorphose, dans la perspective d'advenir et de devenir extraordinaire. Étant extraordinaire, l'anomalie marque son extériorité en étant construit, donc à un format. De fait, cette anomalie va résulter d'une déconstruction d'une figura prédonnée, et par conséquent va donner naissance à une afigura. Par son préfixe ad, signifiant l'écart, donc le néologisme afigura désigne l'éloignement d'une figure, mais aussi quelque part l'éloignement du concept de figura. En effet, proposant ce terme, je cherche à me détacher de certaines des significations de la figure, en premier lieu sous le terme qu'est la figura, ne vise d'aucune manière, au moins à ce stade, les interprétations de figura en linguistique et en rhétorique. Par conséquent, la figura n'est pas une métaphore. D'autre part, la figura cherche à rompre avec la distinction floue qu'il y a entre figura et forma. Des notions, comme on l'a vu, impliquant notamment en soi schéma renvoyant les formes extérieures, mais aussi enfin, d'autres notions comme nous l'avons vu, éthos et morphée. De notre côté, la figura est non seulement l'éloignement, ou le positionnement hors d'une figura, mais est le résultat d'une décomposition de cette dernière, voire le résultat d'un agencement nouveau des morceaux issus de cette décomposition. Et ce nouveau agencement inscrira l'Agora dans le registre de l'anomalos, le registre de l'anomalie. Cependant, le relevant né de norma et de nomos, l'anomalie va se distinguer aussi bien de la normalité que de l'anormalité. L'anormal n'est pas anormal, mais ni normal. De plus, elle ne s'inscrit aucunement dans cette opposition normale-anormale, du fait que le problème de la mutation ou de l'apparition nouvelle d'être nouveau, ce qui sont des vivants, des êtres, des concepts, des représentations, des visions, etc. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore établi, on n'a pas encore construit une norme. Prenons l'exemple du canard de pain. Il s'agit d'une illustration ambiguë qui montre à la fois deux figures, tantôt une tête de canard, tantôt une tête de lapin. Ce qui est anormal, et donc ce qui est la figura, c'est cette chimère invisible de canard aux becs dorés de lapin, ou bien un lapin aux oreilles de bec de canard. Invisible parce qu'on ne voit qu'une seule des deux figures. C'est donc quelque chose qui était évoqué tout à l'heure, que le regard va chercher à distinguer une figura. Donc, on ne voit qu'une seule des deux figures, soit le lapin, soit le canard, mais jamais les deux confondus. Autrement dit, la figura n'est ni le canard ni le lapin, mais elle est bien le canard-lapin. Cependant, puisque à des instants séparés, on va éclairer cette chimère sous des angles différents, donc il s'agit encore de propos de Nassonès symposement sur l'éclairage qu'on va mettre sur les figures. Donc, mettant des éclairages différents sur cette chimère, l'un nous permettant de reconnaître la figure du canard, tandis que l'autre celle du lapin, qu'arrive-t-il lorsque l'on se contraint à rendre visible autrefois l'invisible figura du canard lapin. Voir ce moment instantané de transition, qu'elle soit une transfiguration ou une transformation, ou bien une métamorphose, du canard en lapin et vice versa. En outre, qu'arrive-t-il au corps sentant du récepteur notamment, qui, selon la phénoménologie maclopontienne, livre une partie de son corps, sinon son corps entier, à la manière de vibrer, de remplir l'espace de ce qu'il observe. Donc dans ce cas, il va livrer, enfin, le spectateur il va livrer son corps à la manière à laquelle la figura, qu'est le canard de pain, va vibrer, va remplir l'espace. Ainsi, s'il y a une métamorphose qui fait apparaître et disparaître la figura, il y a une métamorphose de la chair du récepteur. Autrement dit, y a-t-il, pour reprendre les propos de Hans Bellmer, un amalgame ambigu de perception pure et de représentation pure entre le moi chair et la figura que j'incruste à ma chair? Il faut toutefois préciser que cette représentation pure évoquée par Bellmer concerne essentiellement le schéma corporel que le moi construit pour soi. Un schéma se répandant au-delà des limites organiques du morphe corporel et relevant ainsi, me semble-t-il, d'une configuration affiguratique. Nous nous confrontons donc ici à une deuxième affigura. De cette manière, l'anomale n'est non seulement la chimère canard-lapin, qui est aussi entre les deux figures, celle du canard, celle du lapin. Donc qui aussi, comme nous l'avons vu, entre les deux figures normales, si ce terme va nous permettre de mettre en opposition au terme anormal, tout en gardant la racine grecque ou malose. Mais l'anomalie intervient également dans le rapport d'incorporation de la figura anormale par l'Ocor Chernel Saint-An. Et ce, en ce que le schéma corporel du corps sentant se trouve affecté dans l'expérience même de sentir et donc de percevoir. Et puisque cette conscience charnelle ne fait plus qu'un avec la mise à l'épreuve de mon corps par mon désir, et de mon désir par mon corps, et de mon corps désirant par le monde, et du monde par mon corps désirant, elle ne fait plus qu'un avec l'expérience même. Autrement dit, dans le désir de rendre visible la figura, comme sur les 100 ans, je me donne au désir d'incorporer cette figura, mais aussi au désir qu'elle m'incorpore. Et il se prête au désir d'être la figura. Ainsi, la figura va résulter d'un rapport presque libidinal, un rapport d'amalgame entre l'anatomie charnelle, donc anatomie à comprendre dans le sens, à la fois dans le sens biologique et phénoménologique du terme, donc l'anatomie charnelle du moi et l'anatomie de l'image anormale. Et enfin, la figura n'est pas organique en ce qu'elle n'est pas soumise à une organisation. Et au contraire, elle est aorgique, c'est-à-dire chaotique. Elle résulte de la transformation de la défiguration, ou même de la désorganisation permettant l'entrée dans un système d'horizon. Et ceci, nous l'avons vu à deux niveaux. Premièrement, dans un cadre intra-image du canard lapin, où les éléments figuratifs aussi entrent de fiction, tantôt en bête du canard, tantôt des oreilles de lapin. Et deuxièmement, dans l'interaction possible entre l'image et le corps sentant, dans l'expérience même de sentir. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci Anthony. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ? Soit vous avez déjà les effets de la digestion, soit vous avez la semaine qui vient. Non, mais c'est indéniable. Non, mais comme il a répondu dans le soir, j'avais des questions sur la mesure, mais il n'y avait pas de mesure. L'anglais, moi, c'était le A pour l'éloignement, donc il m'a fatigué, mais il y a eu l'explication, je suis là. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions, ça peut être accepté. C'est le rapport entre effectivement cet éloignement qui a été ensuite et qui a fait vers la transformation, et la notion de représentation, parce qu'elle était citée avec un mot qui re-sera. Donc, je sais si ma l'éloignement et le retour. Oui, alors la représentation avec le propos présenté est dans, pour moi, elle vient dans l'explication du concept de figura. Donc, les tupos qu'on va créer, que chacun va créer pour créer une. Sa figura personnelle du monde prédonné. Alors la figura, comment se détacher de ce qui est prédonné, pour moi c'est notamment une question sur le désir, le rapport charnel du corps désirant. Et maintenant seulement je suis en train d'écrire une deuxième intervention Afigura, cher désir et texte, où je parle notamment de confusion des mots faits des deux corps, des deux ou plusieurs mains, même si ce n'est pas un seul corps, désirant. Toujours en citant une belle mère, et notamment certaines de ces images, avec cette désorganisation et réorganisation, quelque part, représenter à nouveau du corps et des gens hétérogènes qui se déplacent sur le corps, par exemple des essais qui vont être présentés comme conjugués alors que la bouche comme un anus. Donc créer des nouvelles formes, ce sont les présentés et où quelque part peut-être la représentation ne sera pas possible parce qu'il n'y a pas, parce que justement le préfixe re, il implique que c'est à la première fois. Donc la figura, c'est justement cette sorte de singularité, de nouveauté, de mutation, de nouvelle. Et pour moi, donc là c'est encore une question où je suis en recherche, parce que la figura je découvre petit à petit. La figura pour moi c'est aussi quelque chose de changeant. Chose qui est en constante mutation, modification. Et donc c'était une question que je me posais parce que moi je vais souvent découvrir et je me posais la question, est-ce que mes coupures représentent ce que la figura, étant donné que la figura est en constante mouvance, donc est-ce qu'il pourrait se représenter ou pas? Rien qu'à ce niveau conceptuel et est-ce qu'il peut être mis en image pour l'instant. À tester. Est-ce qu'avec la mutation génétique, on assiste à des générations de l'infiniment naturel peut-être quelque part, et justement j'ai réfléchi ces derniers temps, notamment en préparant la visite qu'il est pour le soutien de Jean-Marco Mac, parce que lui, ce qui s'intéresse, c'est la capacité d'innovation, entre guillemets, bon, simplement entre guillemets parce que le terme, surtout aujourd'hui, est encore en tête, une nouveauté biologique dans les processus d'évolution. Donc quelque chose auquel il s'inspire pour cette évolution. Que justement là, je trouve qu'il peut y avoir un côté naturel de la figura, c'est-à-dire de la création de la nouveauté. Or, ce qui se passe en génétique, c'est que ce sont des mutations qui se passent à des rates de temps très larges. Alors que la figura, pour moi, c'est quelque chose de plus dynamique. D'accord. Et c'est justement là que je me questionne encore si génétiquement il y a de la figura, ou c'est juste phénoménologique, c'est juste un phénomène charnel, et pour l'instant je suis plus de côté que c'est un phénomène charnel. Oui, justement, est-ce qu'on pourrait voir quelque la figura post-liminale? Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez jamais pas d'image à montrer? Je vous vois, ce sont des dessins qui sont dans mes derniers ou sur des enveloppes mais je ne les ai pas intentionnés. Justement parce que je ne sais pas encore si c'est des figura ou pas. Moi, je vais répondre à la question. Un morceau qui s'est fait par rapport aux mutations, il y a une question. Après, ça dépend aussi. Qu'est-ce qui a amené à cette chimère? Est-ce que c'est un rapport libidinal entre toutes espèces ou plusieurs? primaire biotechnologie. Et comment ça se trouve au rapport et la notion de recherche, que ce soit avec même de l'interdiologie, que ce soit en biologie ou en phénoménologie, dans cette interaction entre la chaîne biologique et le métal. Regardez par exemple, je sais pas moi, les lumières de Descartes ou de Boileau, par exemple, on est dans des chiffres. Alors, à l'ébat, je ne dirais pas que c'est un archivora, parce que je ne crois pas qu'il y avait un rapport, forcément, il n'y avait pas un rapport linéal entre les lamines et la méduse au gène du fluorescent, au gène GFP. Donc pour moi, ce n'est pas une ambiguïté, c'est une orientation mutation des embryogènes des sangs qui se transforment en ville ou l'anus qui se situe sur l'eau. Donc, une image qui déconstruit le corps, l'image du corps que je montrais pour moi. Mais je déconstruis mes repères pour me reconstruire une image, une apivora, enfin sortir de Morphée, déconstruire le Morphée, ça fait pas du Morphée, et construire une image qui va relever de mon désir. Bon, Anthony, merci beaucoup. Donc,